Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le 1er juin, une baleine à bosse de plus de 25 tonnes s'échouait sur les rives arabes de l'océan Indien. La presse ne s'en fit guère l'écho. Depuis et jusqu'à avant-hier, bien d'autres subirent le même sort aux États-Unis, en Australie, en Indonésie. Il y a plus d'un million d'années, un rorqual du genre Balaenoptera lacépède, lui aussi rejeté par les flots, avait pourtant fait la joie des hominidés du paléolithique supérieur de Namibie qui instantanément avait dépecé puis charogné cette manne ultramarine. Trond Lodden de Norvège, John Johnson de Californie, Kuzu Haru, Takehana du Japon, Edouard Grechnikov de Moscou, Paul Tesson du Queensland ou Jean-Christophe Galipo, tous les plus grands spécialistes de l'archéologie des cétacés avaient fait le voyage à l'invite du Coréen Song Mongli. Deux avions, 13 heures de vol, 7 heures de décalage, afin de rejoindre Ulsan, au sud-est de la péninsule coréenne, qui accueillait la semaine dernière et pour 5 jours, un colloque sur la chasse préhistorique des cétacés, ses représentations rupestres, sa mythologie. Si Ulsan, sur les rives pacifiques de la mer du Japon, est aujourd'hui connu pour ses restaurants de baleines, la grande cité portuaire abrite surtout d'exceptionnelles gravures préhistoriques de cétacés sur la falaise de Bangudae. Au-delà d'un cours d'eau, j'y ai retrouvé au pied d'une paroi abrupte nos congressistes en goguette, agglutiné pour mieux photographier, capturer les fameuses images millénaires fixées dans la pierre. Et à l'intérieur, c'est pas un bout. Jean-Luc de Kellec, vous connaissiez ces gravures? Oui, je suis déjà venu, je les avais déjà vues, oui. Mais c'est toujours un plaisir de les revoir, c'est magnifique. En plus aujourd'hui, c'est parfaitement éclairé, c'est vraiment splendide. Vraiment, là, on voit tout qui sort du mur, c'est vraiment magnifique. Ouais. À la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc ? Song Mongli, dans quelles conditions et quand exactement ces gravures ont-elles été trouvées ? On a découvert en 1911. Était une spécialiste de histoire art bouddhique. Il essayait de trouver une trace d'ancien temple. Il était entendu il y a quelques arabesques dans Grand Ballet, mais c'était déjà inondé. Il trouve une site, mais juste une petite partie. Il trouve les gravures, c'était tortue ou de baleine. Et ça, c'est presque premier de découverte à Roubaix en Corée. Vous avez fait votre doctorat en France sur ce sujet. Vous avez bien sûr beaucoup de baleines, mais combien en avez-vous exactement gravé? 300 figurations, 11 troupes. On analyse 4 espèces très importantes. Aussi de cette baleine, cette en forme, le plaisir de forme. On trouve aussi une scène de chacha baleine là-bas. C'est pas seulement existe de figuration de baleine, aussi de vingtaine espèces animales. Ça fait beaucoup. Vous pensez que, bien sûr, d'ici quelques années, ce site de Bangudae sera à l'UNESCO? Ce site, le risque d'inonder à cause de barrage, si on a une input de qualité de UNESCO, trouvera une solution de protection très vite. Geoffroy de Saulieu, l'Afrique et l'Amérique sont vos terrains de recherche, bien sûr. Qu'évoque pour vous cette grande fresque? Eh bien, cette grande fresque, pour moi, c'est un grand rafraîchissement. Parce qu'évidemment, on est dans le Pacifique Nord et c'est pas tout à fait les mêmes températures que sous les tropiques. C'est très étrange de voir ces magnifiques scènes de chasse à la baleine parce que ça évoque tout de suite des sociétés que l'on connaît par l'ethnographie, que sont les chasseurs-cueilleurs sédentaires, stockeurs, qui caractérisent cette région du monde et qui sont très différentes des sociétés que j'ai l'habitude d'étudier en Afrique ou en Amazonie. C'est par exemple les Aïnous? Alors, il y a les Aïnous, mais pas seulement. Il y a également les Chukchi, les Kamchatdal, les Aléoutes, les Cognacs, toute la côte nord-ouest, c'est-à-dire la côte ouest des États-Unis, et également des sociétés que l'on trouve jusqu'en Californie, sur la côte. Tous ces gens-là chassent la baleine? Alors, tous ne chassaient pas la baleine. Une grande partie d'entre elles stockaient d'autres ressources alimentaires. Alors, sur la côte nord-ouest, c'était plutôt le saumon qu'on pêchait massivement pendant deux périodes de l'année. Également les glands de chêne en Californie, dont on faisait des réserves également annuelles, qu'on mettait dans des réservoirs qui étaient des vrais greniers, un peu comme des greniers à grains de nos campagnes d'autrefois. Donc le stockage est une notion importante tant en archéologie qu'en anthropologie? Eh bien, en fait, le stockage, c'est une notion clé, comme l'avait déjà montré Alain Testard, cet anthropologue qui a beaucoup travaillé sur l'archéologie, puisqu'il s'est rendu compte que ces chasseurs-cueilleurs sédentaires qui pratiquaient le stockage avaient des comportements extrêmement proches des agriculteurs céréaliculteurs qui faisaient donc des réserves de grains pendant l'année. Et ces chasseurs-cueilleurs, tous chasseurs-cueilleurs qu'ils étaient, avaient pourtant des sociétés hiérarchisées et géraient des stocks qu'ils distribuaient de manière très calculée. C'était la base de leur pouvoir en réalité. Alors revenons à cette fresque de Corée qui pourrait être éventuellement néolithique ou du moins qui est ancienne. Une chasse à la baleine, comment imaginez-vous cette société? Une chasse à la baleine, quand on prend les textes ethnographiques, c'est-à-dire des voyageurs et des scientifiques du 19e et du 20e siècle qui ont fréquenté ces sociétés avant qu'elles soient désossées par le monde moderne, eh bien on se rend compte que dans beaucoup de sociétés, la chasse à la baleine, c'est un privilège de chef. Pour organiser un événement pareil, qui est un événement dangereux, il faut pouvoir mobiliser des gens, il faut être propriétaire d'une embarcation, il faut commander les gens et il faut repérer la bête, la tuer et la ramener sur les côtes. Et on a même des documents montrant qu'il pouvait y avoir des guerres intertribales pour des questions de propriété de carcasses de baleines. Donc c'est une affaire très grave et très importante, qui est vraiment au cœur du fonctionnement social de ces chefferies du Pacifique Nord. C'est en tout cas peut-être aussi des spécialistes et puis une société qui investit donc dans cette baleine. Alors, ce sont des spécialistes, oui, parce que évidemment, ça s'improvise pas. Et évidemment, comme l'a montré Alain Testard, il y a un investissement parce qu'il y a un calcul. Ceux qui arrivent à organiser cette chasse, à ramener la carcasse, découpent la viande, la distribuent et à travers ça établissent des liens de pouvoir sur les gens puisqu'ils décident à qui ils donnent la viande et à qui ils ne la donnent pas. Donc oui, il y a un investissement au sens fort du terme, au sens économique, quoi. Chauffeur de ce lieu, vous me parliez de stockage, mais la baleine, ça ne peut pas stocker, il y en a tellement. Alors, la baleine, oui, il y en a beaucoup. Ça permet de faire des fêtes, de manger à satiété, mais c'est une viande qui est extrêmement grasse, donc on extrait de l'huile, et c'est cette huile que l'on peut conserver pendant très longtemps. En plus, dans les régions très froides, on peut également congeler la viande, on peut la sécher, on peut la saler, on peut la fumer, on peut faire plein de choses. Est-ce que l'on vit, est-ce que les sociétés littorales, néolithiques ou pas, se sont spécialisées dans cette chasse au point de pouvoir en vivre? Alors, il faut peut-être élargir à l'ensemble des mammifères marins. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, sur la côte nord-ouest, la chasse à la baleine est occasionnelle, puisque le centre de l'économie, c'est le saumon. Mais on chasse donc volontiers la baleine. Mais plus on va vers le nord, donc plus on va vers l'Alaska, plus on se rend compte que la part des mammifères marins est importante. Pas seulement les mammifères marins d'ailleurs, mais également des poissons de haute mer, comme la morue et d'autres variétés. Et ça va avec des innovations techniques de ces populations, puisque ce sont justement celles qui sont le mieux adaptées à ces milieux, et notamment grâce au kayak, qui est un kayak complètement fermé, si bien que les pêcheurs pouvaient se retourner avec leur kayak et ne pas prendre l'eau, puisqu'ils avaient cette espèce de combinaison imperméable. C'est ce qu'on appelle l'escamotage, d'ailleurs. Ah. Et vous avez donc été très proche d'Alain Testard, grand spécialiste de l'anthropologie au Collège de France. Vous aviez parlé de ce sujet, qu'est-ce qu'il pouvait en penser? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? En fait, qu'est-ce qu'il en a pensé? Puisque à l'époque où je faisais ma thèse et que j'ai rencontré Sangmogli, qui a également fait sa thèse en art rupestre, et justement sur ce site, je les ai mis en contact. Et Alain Testard a tout de suite été interpellé par ce panneau gravé. Il a tout de suite pensé évidemment aux chasseurs-cueilleurs du Pacifique Nord. Et il a également été impressionné par les ressemblances que l'on peut y trouver avec des gravures d'autres régions du monde, qui sont également des régions arctiques, notamment la région scandinave, où on a des traits stylistiques qui sont très ressemblants, comme le style en rayon X, c'est-à-dire que l'intérieur des animaux sont quadrillés de barres qui sont un peu comme des lignes de découpe des animaux. Mais il y a d'autres points de ressemblance, il y a des thèmes qui apparaissent aussi bien en Corée qu'en Scandinavie ou en Extrême-Orient russe. Et puis il y a également le fait que ces sociétés, toutes chasseurs-cueilleurs qu'elles sont stalkers, et certaines d'entre elles, comme le néolithique de la Corée, qui fut probablement le contexte d'origine de ces gravures, est une époque où les chasseurs-cueilleurs possèdent la céramique, exactement comme ce néolithique scandinave, qui n'est en réalité pas un néolithique, qui est une période où on était encore chasseurs-cueilleurs, mais où on avait adopté des traits qui ressemblaient aux agriculteurs du sud de l'Europe. Donc des sociétés de chasseurs-cueilleurs, en parallèle des agriculteurs et des éleveurs, ont vécu une vie tout en chassant et tout en adaptant certains modes, comme éventuellement le stockage, la sédentarisation? Absolument. En fait, Alain Testard a montré que les phénomènes qui sont à l'origine de la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs sont identiques. Il pense en effet, dans son livre de 2012, Avant l'histoire, que c'est l'accumulation des innovations techniques durant la fin du Pléistocène et durant les premiers millénaires de l'Holocène qui a alourdi les chasseurs-cueilleurs, toujours plus encombré d'un univers matériel qui devient de plus en plus riche. On invente la céramique, mais également les pierres à moudre, les harpons, les clés de séchage, les greniers de stockage, les fosses de stockage. Et tout cela entrave peu à peu ces nomades qui deviennent de plus en plus sédentaires. Et les uns, en devenant sédentaires, deviennent agriculteurs, tandis que les autres deviennent chasseurs-cueilleurs, sédentaires, stockeurs. Et c'est ce qui s'est passé dans le Pacifique Nord. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Loïc Lekelec, ces gravures, comment sont-elles réalisées? Elles sont obtenues par piquetage, en fait un piquetage très régulier. Et il y a deux types de piquetage. Il y a des gravures qui sont réalisées au simple contour. On a tracé peut-être un avant-trait sur le grès pour pas se perdre. Et puis ensuite, on a piqueté minutieusement. Et donc, on a un trait en creux piqueté. Mais il y a certaines baleines, par exemple, qui ont un piquetage qu'on appelle endopérigraphique. C'est-à-dire tout l'intérieur est piqueté. C'est-à-dire que l'intérieur est surbaissé. Et donc là, ça donne une impression de relief saisissante, particulièrement celle qui a le harpon, d'ailleurs. Parce que le harpon est laissé en réserve. Et on a l'impression que le harpon est en relief sur la baleine. C'est donc des gravures assez réalistes, hein. Oui, c'est quand même hautement stylisé, hein, parce que la façon de représenter les cerfs, ils sont assez statiques, les cerfs. Les félins sont assez en mouvement, par contre, ils sont assez vifs. On a l'impression de les voir bondir. Les baleines sont généralement aussi statiques et quand même vues de dessus assez souvent. Il y en a quelques-unes qui sont vues de profil. Je ne suis pas sûr que dans la nature, on puisse aussi facilement voir des baleines de dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive presque à reconnaître les espèces. Oui, alors il y a même un chercheur coréen qui a identifié 11 espèces différentes de baleines et qui donc qui a fait toute une taxinomie des représentations de baleines. J'avoue que moi je suis un petit peu réservé là-dessus parce que nous on peut reconnaître différentes espèces, mais ça ne veut pas dire que les auteurs des gravures, eux, utilisaient une classification qui est la même que la nôtre. Peut-être qu'ils ne voyaient que 5 espèces, peut-être que toutes ces espèces pour eux c'était une espèce de gros animal c'était tous un peu le même avec des variantes, on n'en sait rien en fait. Est-ce que ces gravures de Bangu Dahé sont de l'ordre de l'exceptionnel en Asie ? En Asie, on connaît d'autres gravures de ce type, je veux dire, du point de vue stylistique, notamment pour tout ce qui est des quadrupèdes. On connaît des choses très similaires. On connaît des choses similaires en Corée, on en connaît au Japon, on en connaît en Sibérie, on en connaît en Chine aussi, en Mongolie, on en connaît également. Ce qui est exceptionnel, c'est plutôt les baleines, en fait. Les baleines, là, surtout un nombre aussi important de baleines, ça, c'est vraiment exceptionnel. Le fait qu'il y ait une scène de chasse, c'est quand même très important pour la Corée. Oui, alors cet ensemble de gravures est très investi par les Coréens parce que possiblement ce serait la plus ancienne représentation de chasse à la baleine du monde. Mais on sait aussi que les gravures, c'est quelque chose qui est très difficile à dater et pour l'instant, disons que ce sont des hypothèses de datation et il y a deux courants. Il y a des gens qui les attribuent au néolithique, mais il y a des gens qui les pensent plus récentes. Donc pour le moment, le débat n'est pas tranché. Alors la solution vient peut-être d'un site, d'un amas coquillier, donc forcément en bord de mer, le site de Wang Seongdong, qui nous livre une clé. Oui, parce que là, on a découvert une scapula, c'est une omoplate de baleine perforée par une pointe. Et donc, évidemment, que quelqu'un l'a lancée, on a bien l'attestation parfaite d'une chasse à la baleine, c'est sûr. La question, c'est que on n'est pas du tout sûr de pouvoir corréler les découvertes faites dans cet amas coquillier et bien daté avec les gravures qui, elles, ne le sont toujours pas. Donc, si on a envie de les corréler, eh bien, on peut le faire. Mais si on est réticent, on n'est pas obligé de le faire. Ce site de Wang Seongdong, qui daterait entre il y a 7000 ans et 4000 ans, atteste de toute manière de la chasse à la baleine. De toute manière, ça c'est sûr. On est certain qu'à cette époque-là, il y a des gens qui chassaient la baleine. Ça c'est absolument certain. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, les gravures de Bangu Dahé qui représentent des baleines, dont une avec un harpon qui est probablement chassé, et puis on a tout un tas d'autres indices qui montent des gens dans des bateaux, etc., autour des baleines, qui montrent que les gens qui ont fait ces gravures chassaient les baleines, appartenaient à une société qui chassait les baleines. Ça, c'est absolument certain. Mais voilà, c'est toujours une question récurrente partout dans le monde pour l'art rupestre, c'est comment corréler l'art rupestre aux découvertes archéologiques opérées en fouille quand on n'a pas l'exceptionnel cas de gravures ou de peintures qui sont recouvertes par des couches qu'on peut dater. Là, c'est pas le cas. Alors c'est bien sûr le mystère de Bangu Dahé, mais est-ce qu'il ne faudrait pas retourner le problème ? On sait que depuis le néolithique, en Corée, on chasse la baleine. Oui, c'est ça qui est très important, ça c'est absolument certain. Finalement, que les gravures de Bangu Dahé soient du néolithique ou de l'âge du bronze, ou peut-être plus récentes, qui sait ? C'est parce que moi je suis frappé de voir que pas très loin du site, il y a des inscriptions en caractère chinois et qui sont complètement patinées. Et c'est des inscriptions qui ne sont pas très anciennes forcément, puisque c'est de l'écriture. Donc on ne peut pas être absolument certain de l'ancienneté de ces images. Mais ce n'est pas grave en fait, elles n'ont pas moins d'intérêt pour autant. Il y a peut-être un défaut de certains archéologues à prêter plus d'intérêt aux choses les plus anciennes. Mais moi, je trouve que, bon, si c'est pas si ancien que ça, c'est pas moins intéressant. Le site n'en reste pas moins exceptionnel, par la qualité des gravures, par la quantité des gravures, par la disposition, par le fait que soient mélangés des animaux aquatiques et des animaux terrestres. Ça pose beaucoup de questions qui sont les mêmes, quelle que soit l'époque à laquelle il a été réalisé, finalement. Les baleines, l'homme en a dessiné, et il en a dessiné de par le monde. Nous en avons vu même sur la côte américaine du Pacifique. Oui, alors on en a vu là pendant le colloque de presque partout dans le monde. On en a vu de Californie, on en a vu donc d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. En gros, partout où des gens ont fait des gravures rupestres, on a des chances de voir au moins des mammifères marins, parce que ça dépend de la qualité des images. Parfois, on n'est pas vraiment sûr de que ce soit une baleine, mais des mammifères marins, on les identifie très bien. Et puis, il y en a même plus que ça. Je pense que l'inventaire reste à faire. On n'a pas fait l'inventaire pendant ce colloque, puisque on en connaît en Afrique, par exemple, qui n'ont pas été mentionnés là. Donc l'inventaire reste à faire. Mais il y en a partout, il y en a pratiquement sur tous les continents. En tout cas, en Norvège, il y a eu une belle conférence avec un chercheur norvégien qui proposait, pas un modèle, mais qui mettait du sens à ses découvertes. Oui, c'était très intéressant parce que il a montré de manière assez convaincante que la baleine, là, était une sorte d'animal psychopompe. Psychopompe, alors ça veut dire un animal qui transporte les âmes, qui a un rapport avec le monde des morts et qui va conduire les morts dans l'autre monde. Et il a montré que il y a tout un circuit. Il a étudié les orientations des baleines dans les sites et puis des autres animaux. Il a montré que l'équivalent de la chasse fantastique dans nos contrées, eh bien là-bas, au lieu que ce soit une chasse avec des cerfs, c'est avec des baleines. Et les baleines, manifestement, devaient jouer un rôle dans le transport des âmes dans l'autre monde. C'est-à-dire que les baleines iraient dans un sens et puis iraient ensuite dans l'autre ? C'est ça, il y a toute une vallée et de part et d'autre de cette vallée, les baleines changent de sens, elles semblent faire le tour de cette vallée et on a l'impression qu'il y a un circuit en fait et que les baleines emportent les morts parce qu'il y a des représentations humaines qui semblent également représenter des squelettes, donc des gens qui sont morts et ça donne vraiment l'impression que l'association avec les baleines et avec d'autres animaux, tout ça, il y a une espèce de cavalerie qui tantôt est sur terre et tantôt sur mer et qui serait lié à une conception de l'autre monde dans laquelle ces animaux jouent un grand rôle. Et du coup, on peut se poser la question à Bangoudé, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose du même genre puisqu'on a aussi des animaux terrestres et des animaux marins au même endroit? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui pensent que ça manifesterait un cycle saisonnier, par exemple, ce qui est tout à fait possible. Mais on a aussi des traditions orales qui nous racontent que certains animaux marins résultent de la transformation d'animaux terrestres, qu'il y a des animaux mythiques qui sont tantôt marins, tantôt terrestres. Peut-être qu'on a quelque chose de ce genre. En Australie aussi, même, les aborigènes ont dessiné des baleines. Oui, on est sûr qu'il y a des représentations de baleines précoloniale, avant l'arrivée des premiers colons, donc ancienne, donc manifestement faite par des aborigènes qui n'avaient encore subi aucune influence européenne. Et il y a une de ces représentations, à côté de Sydney, qui montre une baleine tout à fait reconnaissable. Et à l'intérieur de la baleine, il y a un petit anthropomorphe, il y a un petit personnage. Et évidemment, on pense tout de suite au mythe de Jonah. Alors justement, les uns ont présenté leur site qui possédait de la baleine, les autres ont proposé des œuvres rupestres, donc sur les parois représentant des baleines. Vous, vous avez changé de registre. Oui, parce que je suis pas vraiment un spécialiste de la baleine, bien entendu. J'y connais même presque rien, je dois dire, hein, en toute honnêteté. Et donc, quand Sang Mogli m'a demandé d'intervenir dans ce colloque, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et donc, j'ai pris le côté mythologique, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, on va y en voir, est-ce qu'il y a des contes populaires en Corée qui parlent de la baleine? J'en ai trouvé deux, et ces deux contes sont des variantes du mythe de Jonah, c'est-à-dire un personnage qui se fait avaler par une baleine et puis qui en ressort vivant, ce qui est en réalité parfaitement impossible. On pense évidemment au mythe biblique de Jonah, et on peut se dire que ben, peut-être il y a eu une influence des missionnaires, voilà, le christianisme se répandant, ce mythe-là s'est répandu en même temps que lui. Mais quand on fait l'inventaire mondial des variantes du mythe de Jonah, on s'aperçoit que la majorité de ces variantes comportent des épisodes qui sont absents du mythe biblique. Et en comparant toutes ces variantes, on peut montrer que fort probablement, ces images sont très anciennes. Une partie est sans doute due à la diffusion d'histoires qui se sont racontées par des chasseurs de baleines au moment du grand développement de la chasse industrielle à la baleine au XVIIe, XVIIIe siècle, ça c'est certain. Mais il y a une partie, un fond commun antérieur, et j'en suis à me demander si, au temps imprécis, je dirais, où les graveurs de Bangoudé réalisaient leurs gravures, si cette histoire ne circulait pas déjà dans les têtes, puisque bien longtemps avant, elle existait déjà apparemment en Australie. Qu'est-ce que l'on aurait qui ne serait pas dans la Bible ? Alors, une fois que le personnage, le héros de l'histoire est avalé, il survit, il se trouve à l'intérieur de la baleine, et là, il commence à marcher, il se demande un peu où il est, il marche, et par exemple, il rencontre une femme, et cette femme surveille une lampe et elle lui dit qu'il ne faut surtout pas éteindre cette lampe, il faut absolument que cette lampe ne s'éteigne jamais. Et à un moment donné, la femme s'écarte, va dans un autre endroit à l'intérieur de la baleine, parce que c'est très grand, Et évidemment, le héros en profite pour éteindre la lampe. Et la lampe, c'était l'âme de la baleine. La baleine meurt, et à ce moment-là, il peut en sortir. Mais il y a beaucoup de variantes. Il y a des variantes où le héros se fait avaler non seulement lui, mais son canot. Il était en train de naviguer, la baleine avale le canot et le bonhomme. Il se retrouve à l'intérieur avec son canot, et là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il brise son canot, il le casse, et avec le bois, il allume un feu. Et le feu fait tellement mal à la baleine qu'elle finit par mourir, ou bien elle lui brûle le cœur, ou elle lui brûle le foie. Et à ce moment-là, la baleine meurt. On apprend que le foie de la baleine, c'était l'emplacement de son âme. Beaucoup de variantes comme ça qui sont un petit peu étonnantes, qui tombent pas du tout sous le sens, qu'on n'invente pas tous les quatre matins, je pense, qui sont très éloignées du mythe biblique et qui se sont répandues dans le monde entier. Avec, j'ajoute une petite variante très étonnante, c'est qu'une fois que le héros est ressorti, il ressort vivant, donc, en découpant la baleine de l'intérieur, il trouve un couteau, il fabrique un couteau, ou il avait déjà un couteau, il tailla de l'animal de l'intérieur, il réussit à sortir. Mais quand il ressort, il est chauve. Ce genre de détails qui se retrouvent en Asie, qui se retrouvent en Amérique du Nord et qui se retrouvent en Amérique du Sud, c'est quand même très intriguant. Comment l'expliquer ? Alors, je pense que simplement, il change de statut, parce que parfois, il ressort chauve, mais parfois, il ressort tout blanc, raconte-t-on, dans des endroits où les gens n'ont pas la peau blanche naturellement. Et donc, il se modifie. Mais il y a d'autres variantes où il ressort, et à ce moment-là, il change de statut social. Il devient, par exemple, le chef de la tribu habitant l'endroit où s'est échouée la baleine. Et donc, de toute manière, ce qu'il y a de commun, c'est que ce passage par la baleine provoque un changement chez ce personnage qui devient du coup un personnage exceptionnel. Et alors, on peut rapprocher ça de toute une série d'autres mythes, notamment des mythes d'initiation, dont on a beaucoup d'exemples en Australie, par exemple, où on fait avaler symboliquement les jeunes qui vont être initiés, on les fait avaler par un monstre, et ils restent un temps à l'intérieur du monstre, et quand ils ressortent, eh bien, ils ont changé de statut, ils sont devenus des adultes. On a quelque chose, là, on a sans doute quelque chose, disons, un fond commun derrière toutes ces histoires. C'est toujours l'histoire de quelqu'un qui se fait avaler par un monstre et qui en ressort changé. Et ce fond, il pourrait être néolithique, de l'âge du fer, daté de 2, 3, 4, 5 000 ans? Si ce fond est vraiment bien commun à tous les endroits où on raconte ce genre d'histoire, en tout cas où on a le changement manifeste après l'avalement et la régurgitation, il ne peut être que paléolithique. Puisqu'on le trouve en Australie, et le peuplement de l'Australie, c'est quand même autour de 50 000 ans maintenant, et on sait que cette histoire se racontait en Australie avant l'arrivée des Indo-Européens. Ça ne peut pas être les missionnaires, ni aucun Européen qui a introduit cette histoire. De toute façon, les Européens ne la connaissent pas. Ils connaissent l'histoire de Jonas, mais pas des histoires où Jonas ressortirait chauve, par exemple. Et en plus, cette histoire, on la connaît aussi en Grèce ancienne, puisque elle se raconte à propos d'Héraclès, qui lui aussi passe par un monstre marin et ressort chauve. Donc on a déjà là une attestation en Grèce ancienne, donc ancienne, et il n'y a pas de contact possible entre les gens qui racontaient ça en Grèce ancienne et puis les aborigènes, bien entendu. À aucune époque, ça n'est possible. Donc, si c'est quelque chose de commun, c'est un héritage qui est très ancien. On aurait même peut-être encore trouvé plus vieux comme mythe de la création de l'homme. Alors, il y a un mythe très intéressant qui raconte que l'humanité descend d'une baleine. Et donc là, on a quelque chose aussi qui est très étonnant et qui se raconte également en plusieurs endroits du monde. Ce genre d'histoire a également toute chance d'être extrêmement ancienne. Et c'est difficile à prouver, mais il y a de bonnes raisons de penser qu'elles sont paléolithiques. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, au mixage Bruno Mourlan et avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou écouter plus de 300 archives sur le site inra.fr et cela durant tout l'été. La semaine prochaine, Carbone 14 fait place au programme d'été. Juillet et août sont les mois de fouilles pour les archéologues. Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver dès la rentrée pour mieux découvrir les avancées de leurs recherches.